Donc, dans la catégorie « Je recycle mon tube néon dans mon magasin de bricolage », les gagnants sont Karim de Roanne dans « Le monde de néon », Mathias de Romainville dans « Apocalypse néon », Nathalie de Tarbes dans « Mon néon est personne ». Karim, alors heureux ? Je suis super heureux, mais vous savez, j'ai un secret. Quand j'ai un néon ou une ampoule à changer, je les prends avec moi au magasin, comme ça je me trompe pas de modèle, et en partant, hop, dans le bac de recyclage. Eh oui, rapporter son tube néon ou son ampoule dans un bac de recyclage, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que leurs composants soient recyclés à plus de 90%. Toutes les solutions de recyclage sur recylum.com. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il y a quelques semaines, nous recevions le biologiste Miroslav Radman pour parler de ses travaux sur les bactéries, pour tenter de percer les secrets de la longévité humaine. Une autre voie est possible pour étudier cette question et on peut se pencher pour cela du côté des animaux et des végétaux pour observer des mécanismes permettant donc à certaines espèces de vivre très longtemps. La revue Nature, la Salamandre, consacre son 250e numéro à un dossier sur la question de la longévité, l'occasion de découvrir donc des créatures qui font l'objet de recherches scientifiques. De l'hydre au peuplier, en passant par les fourmis noires des jardins. Tour d'horizon dans un instant pour comprendre les clés de la longévité. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, des êtres vivants vieux de 2,1 milliards d'années et déjà capables de bouger. Oui, on va voir que les premiers êtres vivants capables de se déplacer seraient apparus bien avant ce que l'on croyait, presque 1,5 milliard d'années avant en fait. C'est une étude qui a été menée au Gabon qui nous l'apprend. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée cette semaine à un test à la con pour prédire la maladie d'Alzheimer. Fanny Boyon réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les secrets de la longévité se trouvent sûrement dans la nature. C'est le dossier de l'émission cet après-midi en partenariat avec la revue Nature La Salamandre. Et je salue mes invités, la professeure Brigitte Galliot et Julien Perrault de la revue La Salamandre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Julien Perrault, est-ce qu'après avoir lu ce dossier, on va pouvoir gagner quelques années d'espérance de vie en plus ? En bonne santé, tant qu'à faire. C'est pas sûr, mais je pense qu'on aura encore quelques raisons de plus de s'émerveiller devant l'incroyable créativité de la nature. Ah bah faites-nous rêver quand même, on va pouvoir apprendre quelques mécanismes. Oui, mais oui, bien sûr. Oui, on va gagner en tout cas 20 ans. Ouais, alors de tout temps, c'est vrai que les humains, vous nous promettez 20 ans, c'est déjà pas mal, on va les prendre. Les humains ont essayé de repousser finalement et contourner les effets de la mort. C'est une vieille obsession de notre espèce, ça ? Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux axes. Il y a tout l'axe, évidemment, de la tradition et de la médecine, qui maintenant nous permet de plus en plus, de vivre de plus en plus longtemps. Mais il y a aussi toute la dimension de l'imaginaire, avec toutes ces créatures de la mythologie qui étaient capables, par de multiples pouvoirs, de vivre très longtemps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, dans tout le courant de l'héroïque fantasy, on retrouve plein de héros, des elfes et d'autres qui sont immortels. Et je pense qu'ils font rêver l'esprit humain. Et on va voir qu'il y a des êtres vivants bien réels, qui ont des pouvoirs tout aussi extraordinaires que ces êtres imaginaires. Alors évidemment, vous envoyez un signal très fort à vos lecteurs avec ce 250e numéro, en vous disant, ben voilà, puisque la Salamandre consacre son numéro à la longévité, c'est une façon de dire que voilà, vous êtes là encore pendant très longtemps, hein, pour défendre la nature. La revue La Salamandre est là depuis 35 ans et j'espère qu'on va continuer encore très longtemps. Ouais. Vous ne parlez pas de la Salamandre d'ailleurs dans oui, ce dossier ? Oui, on en parle pour son talent de régénération. Mais on avait consacré un numéro entier à la question. Exactement. C'est vrai que c'est un des rares vertébrés, la Salamandre avec les tritons, qui est capable de régénérer un doigt, un membre, voire un de ses yeux. Ouais. Brigitte Galliot, vous dirigez un laboratoire de régénération et neurogénèse adulte. On a déjà parlé de la neurogénèse, mais il serait bon de rappeler ce que c'est quand même. Mais disons que c'est les animaux sur lesquels je travaille sont capables de, en permanence, renouveler leur système nerveux. Mmh. Et en fait, si on regarde l'évolution des animaux, c'était plutôt la règle. Et nous qui avons deux tout petits foyers de neurogénèse, c'est-à-dire de régions à partir desquelles on peut produire des nouveaux neurones, c'est plutôt l'exception, ou disons une évolution qui a un peu bloqué cette production de nouveaux neurones. Mmh. Donc les animaux, les hydres, remplacent en permanence tout leur système nerveux. Alors maintenant, le mauvais aspect, c'est qu'elles doivent pas être très très très intelligentes. Ça veut dire qu'elles doivent pas avoir énormément de mémoire et elles sont capables d'apprendre un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'elles vont s'habituer à certains processus, mais c'est peut-être une vie un peu simplette. Ouais, pour parler de l'hydre, donc les hydres existent. Ah, les hydres existent, oui, bien sûr. On sera nombreux à le découvrir grâce à vous aujourd'hui, finalement. Donc c'est un vrai objet de recherche scientifique, quand même, cet animal. Mais c'est le plus ancien modèle expérimental qui existe en biologie. Ouais. Il a été découvert au XVIIe siècle et c'est un modèle formidable, puisque la régénération animale a été découverte avec cet animal. Ouais. On va décrire aussi ce petit invertébré avec vous tout à l'heure, et puis vous nous direz quels sont justement les sujets de recherche à son sujet, et puis ce qu'il peut nous permettre d'apprendre pour peut-être servir à l'homme, on ne sait jamais en tout cas. Mais oui. On va se retrouver donc dans un instant pour parler de longévité, et puis les auditeurs bien sûr nous rejoignent avec toutes les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse, aujourd'hui, à la Une de la Science, on parle d'une étude qui remet en question les certitudes des scientifiques sur les origines et les tout débuts de la vie sur Terre. Oui Mathieu, alors qu'on pensait encore il y a peu qu'aucune forme de vie plus sophistiquée que la bactérie n'avait émergé avant moins 580 millions d'années, une étude qui vient de paraître dans la revue PNAS vient complètement chambouler cette conviction. Non seulement il y a 2 milliards d'années, il y avait déjà des êtres vivants constitués de plusieurs cellules, mais en plus, visiblement, certaines étaient assez évoluer pour se déplacer. On en parle tout de suite avec le principal auteur de l'étude, Abderrazak El Albani, qui est en duplex depuis Poitiers avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Poitiers, paléo-biogéochimiste et spécialiste des roches sédimentaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que déjà à cette époque, il y a 2 milliards d'années, même plus, il y avait déjà des êtres vivants capables de se déplacer ? Disons que l'histoire de la vie sur Terre, très clairement, est dépendante de son environnement. Donc en fait, si on prend cette période de 2 milliards 100 millions d'années et on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant et après, on se rend compte que vers 2 milliards 5, on a eu une grosse glaciation, donc terre-boule de neige. Et quand on va sortir de cette glaciation, beaucoup d'oxygène va être libéré dans l'atmosphère et ça va commencer vers 2 milliards 3 à prendre de l'ampleur. Et à 2 milliards, 2 milliards 100, on est vraiment sur un palier. Et donc le système, le milieu, le biotope va réagir et réagit favorablement parce que les cyanobactéries qui vont se développer en masse parce qu'ils vont voir arriver cet élément nouveau plus les éléments nutritifs vont nous aider à améliorer, à augmenter cette concentration d'oxygène et donc on pourrait par la suite espérer avoir des collaborations entre les cellules. Attention, le même scénario se reproduit plus tard, un milliard d'années plus tard. Donc glaciation, montée d'oxygène et on voit apparaître la faune d'Ediacara. Donc voilà, donc l'histoire du vivant très dépendant du milieu. Et en pratique, donc vous êtes géologue, qu'est-ce que vous avez vu dans la roche aussi qui prouve l'existence de ces êtres vivants mobiles ? Alors c'est vrai que dans la roche, comme on l'a montré déjà en 2010-2014, on a des formes de vie diverses et variées, mais en même temps on a des formes qui étaient vraiment intrigantes. Pour certaines, elles étaient visibles, pour d'autres, il a fallu utiliser de la microtomographie, donc c'est un scan 3D. Et à notre grande surprise, on a pu identifier, mettre en évidence un certain nombre de formes tubulaires, des espèces de petits tunnels qui traversent la roche et qui recoupent les lamines, parfois horizontales, parfois verticales, obliques, sinueuses. Et ça nous a un petit peu interpellés. Si on regarde ça au-delà de l'âge, on ne se posera pas de questions, ce sont des traces de mouvement. Maintenant, on est à 2 milliards 100. Il a fallu vraiment utiliser des approches diverses et variées. Et ça veut dire, Abderrazak El Albani, qu'à cette époque-là, on pensait que les organismes vivants étaient figés alors ? Oui, exactement. Déjà, il a fallu d'abord se battre pour montrer qu'il y a une autre version que la version officielle, à savoir que la vie pourrait émerger émerger quand les conditions sont réunies. Maintenant, aller jusqu'au mouvement, quand je discute avec mes amis biologistes et généticiens, ça veut dire que les organismes doivent atteindre un stade de sophistication. Je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, il faudrait une innovation biologique pour que l'organisme, pour coordonner ses propres efforts et bouger à travers le sédiment. Oui, on peut avoir du mouvement parce que derrière nous, il y a au moins 200 millions d'années d'augmentation d'oxygène dans l'atmosphère. Donc les cellules, ils ont eu le temps de se perfectionner, de coopérer, de former des organismes multicellulaires et pourquoi pas bouger. Et donc les traces de mouvement sont très claires et très évidentes au sein de la roche. Et dans quel genre d'environnement évoluaient ces êtres multicellulaires ? Faut imaginer leurs conditions de vie comment ? Alors, ils ont besoin d'un environnement qui n'est pas très profond, dans un environnement qui est photique, il y a de la lumière, de l'oxygène, donc tout ça, on a pu le démontrer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont très proches des voiles bactériens. Alors, ça, c'est pour nous un indice très, très intéressant, dans le sens où ça leur permet, dans certains cas de figure, quand il s'agit de cyanobactéries, d'avoir un peu d'oxygène, voilà, parce qu'on a un peu de photosynthèse, et puis ils se développent à l'interface, presque à l'interface au sédiment. Et ça, c'est quelque chose d'assez, d'assez intéressant, c'est ce qu'on voit tout à fait naturellement dans des formations beaucoup plus récentes. Donc en fait, si on regarde les ressemblances au-delà de l'âge, on ne se pose pas de questions. Maintenant, dès qu'on est à 2,1 milliards, beaucoup de questions se posent et c'est à nous de montrer avec, entre guillemets, l'artillerie lourde analytique et les compétences. Grâce à ce travail d'équipe, je le précise, on a pu démontrer effectivement que ce sont des traces de mouvement. Mais est-ce qu'il y a de l'eau liquide dans cet environnement, justement, Abderrazak El Albani ? Absolument, parce que ça se fait alors que le sédiment est encore meuble. On est vraiment à la proximité entre l'interface et l'eau de mer. On est vraiment dans une eau marine, pas très loin du littoral. On est peut-être à 20, 30, 40 mètres de profondeur. Et le sédiment est encore meuble. Autrement, ils ne peuvent pas bouger. Et l'une des questions majeures qui nous a été posée, c'est prouver la biogénicité, c'est-à-dire prouver que c'est du bio. Alors pour cela, il a fallu utiliser tout un tas de techniques diverses et variées, géochimiques, minéralogiques, etc., tomographiques. Et donc, en fait, ça se déplace dans un sédiment meuble. Puisque comme on est à la proximité de l'interface avec l'eau de mer, il se développe là, comme c'est le cas aujourd'hui ou hier dans le Phanérozoïque. Et dans quel but ces petits animaux, si on peut parler même d'animaux, vous allez nous le dire, mais pourquoi ils se déplaçaient ? Ils avaient besoin de se déplacer ? Alors, ils ont besoin de se déplacer pour deux raisons. La première est d'ordre, je dirais, nutritif. Ils ont besoin, ils cherchent, et on voit très bien leur proximité avec les voiles bactériens, et ils cherchent leur nourriture, mais en même temps, ils cherchent de l'oxygène. Comme ils sont à l'intérieur d'un sédiment un petit peu riche en matière organique, il manque un peu d'oxygène. On est dans la colonne d'eau, il y a de l'oxygène, mais pas dans le sédiment, il y en a beaucoup moins. Et donc, cette proximité des voiles bactériens leur apporte de l'oxygène. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très, très éloignés de l'interface avec entre l'eau et le sédiment. Donc ils se déplacent pour se nourrir et pour aussi avoir un peu d'oxygène pour avoir de l'énergie pour qu'ils puissent ces organismes pour qu'ils puissent bouger. Alors maintenant, attention, il y a un point crucial concernant la nature des cellules et ça c'est quelque chose qui a été également démontré très clairement pour nous, ce sont des cellules eucaryotes qui composent ces organismes. Autrement, on ne pourrait pas avoir ce stade de sophistication, pardon le terme que j'invente là, mais être aussi sophistiqué pour bouger, il faut qu'il y ait un minimum de, pour moi, d'organisation. On ne parle pas d'animal, hein, Abderrazak El Albani, on parle de cellules. Voilà, le terme animal, je ne l'ai pas utilisé, mais l'organisme en lui-même existe. C'est-à-dire, on a des traces d'emplacement d'organismes. Alors, ça peut être une des hypothèses sont des colonies d'amibes qui peuvent s'organiser ensemble, se coordonner pour faire un seul unique organisme et dans un objectif de survie, oxygène, encore une fois de plus, nourriture. Mais sur d'autres, là où ils sont pas capables de bouger, enfin, quand on est en vertical oblique, les colonies d'amibes ne sont pas capables de faire ça. Voilà. En tout cas, ces êtres primitifs, on peut penser que c'est nos ancêtres à tous et à tous les êtres vivants qu'on trouve maintenant sur Terre. Moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, il faudrait qu'on passe à une organisation assez claire entre l'uni et le pluricellulaire. Ça, c'est un point crucial, c'est un point clé dans l'histoire du vivant. À partir du moment où on quitte le monde unicellulaire pour aller vers le pluricellulaire, on commence déjà à préparer les prémices de ce qu'on pourrait appeler les protozoaires ou les ancêtres des métazoaires. Donc, à un moment ou à un autre, l'organisation pluricellulaire doit se mettre en place. Et c'est pour ça que vers 2,1 milliards, quand l'oxygène va être en abondance et les éléments nutritifs en abondance, il va y avoir forcément, systématiquement, une réponse du biota et du biotope à ces changements d'environnement qui prennent quand même, ça je le rappelle, 200 millions d'années quand même. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, en tout cas Abderrazak El Albani, donc sur les prémices de la vie. Merci beaucoup à vous, et merci aux équipes de Poitiers pour ce duplex. On se retrouve demain, Héloïse. À demain, Mathieu. Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, les insectes qui connaissent un déclin mondial sans précédent, environ un tiers des espèces menacées d'extinction. Et chaque année, c'est 1% des espèces qui s'ajoutent à la liste, ce qui équivaut au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. Ces chiffres alarmants ont été calculés par des scientifiques australiens à partir de la synthèse de 73 études. Les auteurs tiennent l'agriculture intensive pour responsable de la situation. Leur conclusion est claire, si nous ne changeons pas la façon dont nous produisons nos aliments, il faut s'attendre à voir les insectes prendre le chemin de l'extinction en quelques décennies. En plus de mettre les adolescents en danger immédiat, la pratique du binge drinking a des effets directs sur le développement de leur cerveau et donc des conséquences à long terme sur leur santé. C'est une étude parue dans la revue translationnelle Psychiatry qui suggère que certains des dommages cérébraux seraient dus à la modification de gènes et à la façon dont ils s'expriment. Une protéine importante dans la formation et le maintien des connexions dans l'amygdale, une partie du cerveau impliquée dans les émotions, pourrait être altérée. Les jeunes auraient alors un risque augmenté d'être en proie à l'impulsivité ou sensible à l'anxiété, à la dépression. Et puis le printemps qui approche est une question qui taraude les Japonais et les touristes au pays du soleil levant. Quand donc vont éclore les fameuses fleurs de cerisier, un des emblèmes du pays? La chose est prise très au sérieux. Des prévisionnistes météo s'appuient comme chaque année sur des relevés de température pour tenter de prédire quand la floraison aura lieu. Et pour encore plus d'exactitude, les scientifiques peuvent aussi compter sur des milliers d'internautes qui leur envoient des photos de bourgeons. Le projet s'appelle Sakura Project, ce qui signifie cerisier en japonais. Et il a été lancé il y a 15 ans. Allez, on parle de longévité, dossier de la tête au carré avec la salamandre dans un instant. Loyem binengeli kere wongi, ngeni yesri yibe yo, basori nigil nibe yo. Loyes biwele ni kere wongi, onge ba biwele ni munu wongi. Loyes iho, inyonyo ninyo. Yes, iho, iho ni mao. Yes, c'était Blic Bassi à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. À l'issue de cette émission, vous en saurez certainement plus sur les secrets de la longévité, car nous explorons ces mécanismes cet après-midi avec certaines espèces animales et végétales d'ailleurs, qui vivent très longtemps dans la nature. Et c'est la revue La Salamandre qui fête son 250e numéro et qui, pour se porter bonheur, consacre un dossier à ce thème de la longévité. Julien Perrault, vous en êtes le rédacteur en chef, et à vos côtés donc se trouve Brigitte Galliot, professeure et vice-rectrice de l'Université de Genève, spécialiste des processus de sénescence et de régénération générations. Et bien sûr, les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur le site de l'émission. Julien Perrault, vous rappelez dès les premières pages de ce dossier que nous ne partons pas tous égaux, évidemment, face à la mort. C'est le grand jeu de la vie qui ne nous a pas tous dotés, évidemment, de la même longévité. Il faut d'ailleurs explorer quelques nuances du vocabulaire. C'est ce que vous faites dès la première page et c'est assez intéressant. Oui, il y a un peu de confusion entre vieillesse, longévité, sénescence, etc. Mais ce qui est surtout fabuleux, c'est de voir justement les différentes stratégies qui sont mises en œuvre par le vivant pour durer. Oui. Et c'est ce qu'on a fait donc tout au long de ce dossier sur la longévité, c'est de regarder un petit peu les champions de la longévité chez les plantes, chez les animaux, petits ou grands, etc. Et on voit qu'il y a certaines constantes qui se dégagent. Par exemple, la taille en est une. De manière générale, chez les oiseaux, chez les mammifères, quand on est grand, on vit plus longtemps, on consomme moins d'énergie, on a un métabolisme un peu plus lent, on se reproduit plus lentement, on est à l'abri de beaucoup de prédateurs simplement par sa taille, et du coup, on vit beaucoup plus vieux. Si on était petit. L'hydre, c'est le contre-exemple, finalement, Brigitte Gallo, parce qu'on va parler de l'hydre, justement, qui a une longévité exceptionnelle. C'est un tout petit animal. Oui, c'est un petit animal qui vit dans l'eau douce, qui se met en boule quand il est menacé. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est bien qu'il y ait des contre-exemples. Voilà, exactement. Donc, il y en a quand même quelques-uns, effectivement. Alors, c'est quoi la sénescence, tiens, pour faire un petit point de vocabulaire? Alors, la sénescence, en fait, c'est souvent un terme qui est utilisé sur les cellules lorsqu'elles sortent du cycle cellulaire et puis qu'elles sont plus capables de rentrer dedans, en fait. Donc, elles vieillissent tranquillement. Sans plus être capable de se diviser. Il faut faire attention aux records et aux moyennes également, Julien Perrault. Oui, il peut y avoir des grosses différences suivant les espèces. Effectivement, vous avez certains champions individuels qui peuvent vivre très très longtemps, bien au-delà de la moyenne de leur espèce. J'ai appris un truc absolument étonnant. Il y a un requin au Groenland, c'est ça? Enfin, le requin du Groenland, c'est le nom de l'espèce, qui a une espérance de vie de 400 ans. Oui, ça a été découvert assez récemment. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne savais même pas que ça existait. Je crois que c'est le vertébré à la plus grande longévité. Ouais. Oui, parce que je pensais que c'était du côté des baleines qu'on trouvait. Alors, les baleines du Groenland peuvent atteindre les 2 siècles, ce qui est déjà extraordinaire, mais 2 fois plus pour le requin du Groenland. Oui. Alors, c'est vrai que pour ce dossier, vous êtes beaucoup inspiré, vous le disiez tout à l'heure, de l'héroïque fantasy. Il y a plein de personnages extrêmement inspirants pour parler de la longévité, bien sûr. Ben oui, c'est rigolo. Ben oui, on parlait avant de la taille, donc c'était évidemment la métaphore du géant. Oui. Il y a aussi, par exemple, si on prend l'hydre, dont on parlait avant, c'est un personnage mythologique fameux, dont on coupe les têtes, qui repousse. Oui. Et ce qui est exactement ce qui se produit si on prend vos curiosités de laboratoire, si on coupe une hydre en deux, en fait, il y a 2 hydres qui se recréent. Ouais. À quoi ça ressemble d'ailleurs, cette hydre? C'est un petit tube avec, qui est capable de se fixer par sa partie basale, en bas, et puis qu'il y a un cercle de tentacules. C'est ça. 6-8 tentacules au maximum, qui sont capables de, comme une danseuse arabe, un petit peu, qui se balade comme ça. Il n'y a pas de tête. Alors, au bout la tête, des tentacules. Elle est entre les tentacules, parce qu'au sommet, il y a une petite bouche quand même. Alors, nous, on appelle ça une bouche, mais en fait, c'est autant une bouche qu'un anus, parce que l'animal n'a qu'un seul trou. Ouais. Donc, il mange par là. Les tentacules attrapent la nourriture. C'est un animal qui est carnivore, qui relâche du venin, comme les méduses, comme les anémones de mer, toute cette classe. C'est la même famille. C'est tout la même famille. Ça s'appelle des cnidaires. Ouais, exactement. Et donc, elles ont des cellules très spécialisées qui relâchent du venin. Le venin des hydres est tout à fait inoffensif. Il y a aucun problème. Pour nous, mais peut-être pas pour tous les animaux. Alors non, parce que quand en fait, c'est assez étonnant quand on voit un insecte qu'elle attrape donc à la surface de l'eau comme ça. C'est immédiat. Ils sont immobilisés immédiatement. Donc c'est ça. Donc c'est quand même un toxique paralysant. Ah oui, absolument. Pour certaines proies. Et c'est d'ailleurs un processus de différenciation qui est absolument étonnant. Elle lâche son venin avec une force qui est une des plus grandes forces qu'on ait pu mesurer dans la nature. Ah bon, à ce point-là? Oui, c'est une décharge, ça s'appelle la décharge d'une petite capsule qui est pleine de venin. Et pshou, comme ça. C'est vraiment étonnant. Ce venin, est-ce qu'il est étudié d'ailleurs? Oui, il y a des gens qui l'étudient. Ouais. Oui, il y a des gens qui l'étudient. Et il y a certains venins, par exemple de méduses, en Indonésie, qui contiennent des substances cardiotoniques, qui, on peut mourir en quelques minutes si on est touché par ces méduses. Et donc, il y a tout un travail sur les substances pharmacologiques qu'on pourrait identifier dans ces venins. Mais on pourrait aussi fabriquer des molécules à partir de ces venins, a priori? A priori, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Attention. Attention à quoi, Julien Perrault? Aux utilisations ou à l'esprit. Non, mais ça pourrait être des substances cardiotoniques évidemment diluées suffisamment pourraient avoir un effet bénéfique, par exemple. On va écouter un très joli document de l'année 1969, extrait des archives de l'INA. C'était sur l'ORTF, dans une série qui s'appelait La vie des animaux. Écoutez bien, on est vraiment dans une ambiance tout à fait particulière pour parler justement des hydres. Avant les hommes vivait déjà l'hydre. L'hydre de mer, avec ses gestes des premiers temps de la vie, ses quelques millimètres, hors toute vie est combustion et consommation. Et l'hydre consomme des êtres encore plus petits qu'elle. Seulement parce qu'elle est un des êtres vivants les plus élémentaires, on serait presque tenté de dire qu'il n'y a pas ici nourriture, mais simple passation de vie. L'hydre de mer, elle est auto-créatrice de sa propre vie. L'hydre, dont chaque fragment, si infime soit-il, donne naissance à une autre vie. L'hydre, que Pline l'Ancien savait déjà toujours renaissante. Voilà, donc ça c'était en 1969. Ambiance, hein, ah, Brigitte Gallo. C'est formidable, c'est la première fois que j'entends ça, formidable. Et ça a inspiré déjà beaucoup à ce moment-là. Je ne sais pas où en était l'état de la recherche autour de cet animal. Ça a commencé quand d'ailleurs? Quand est-ce qu'on l'a découvert finalement? 1740. Ah oui, donc c'est très ancien. Oui, hein, c'est très ancien. Oui, c'est ça. Ça a été découvert tout à fait par hasard par un mathématicien qui a fait sa thèse de calculus à l'université de Genève. Oui. Et qui se posait la question de savoir si l'hydre était une plante ou un animal. À l'époque, c'était une question qu'on se posait pour les coraux et pour l'hydre. Et il a eu l'idée suivante, il s'est dit, je la coupe en deux. Si elle repousse, c'est que c'est une plante. Mm-hmm. Si elle meurt, c'est que c'est un animal. C'était assez naturel de penser de ces façons-là. Et puis, c'était un très fin observateur. Et il s'est aperçu que, donc, il avait deux petites hydres au bout de 3 jours qui avaient repoussé à partir de celles qu'il avait coupées dans le creux de sa main. Ouais. Et puis, il a vu que cet animal se contractait, était capable de se déplacer en marchant. Et il s'est mis, c'était vraiment une des premiers, à développer une culture d'hydre dans ce qu'on appelait à l'époque un cabinet d'études. Hein, donc, c'est un laboratoire. Il a inventé, en quelque sorte, le premier laboratoire. Et il a écrit un bouquin qui est formidable, où on le voit, il était en charge de l'éducation de 2 jeunes enfants, où il regarde ses hydres, il a fait des petits aquariums, il a... Les premiers microscopes avaient été inventés quelques temps avant. Il a adapté le microscope pour qu'il soit contre l'aquarium qui était tout rond. Et il observe, il a fait toute une série de dessins formidables. Il a publié un livre où il montre comment l'hydre régénère. Hein, et ensuite peut marcher, attrape sa nourriture, bourgeonne quand elle est bien nourrie. Et ce qui est étonnant, c'est que non seulement c'était un excellent scientifique, mais il s'est dit... C'est une découverte formidable que j'ai faite. Il faut absolument que j'arrive à convaincre mes collègues. Et il a commencé à envoyer des hydres en Europe pour que les gens puissent répéter l'expérience. Ah oui, vraie méthode. La vraie méthode. Et il y a un courrier de Réaumur disant « Cher Abraham, merci beaucoup, mais ce que tu m'as envoyé, ça pue. Et je ne peux rien en faire du tout. » Vous voyez ? Et donc, il a réussi. Donc, on est au 18e, là, c'est ça ? On est au 18e. Il a publié son livre en 1744. Ah oui. Et alors, depuis, c'est un vrai objet de science. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on cherche encore autour de l'hydre ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des émissions sur le sujet, on parle de l'hydre, évidemment. Mais on se dit, mais on n'a encore pas tout découvert de cet animal. Vous savez qu'une fois, dans un événement qui s'appelait la Nuit de la Science, j'ai rencontré l'arrière-petit-fils d'Abraham Tremblay. Ah. Et j'expliquais mon boniment, on coupait des hydres, les gens pouvaient venir couper des hydres. Et puis, il me dit, oui, je sais, il était physicien. Et puis, il me dit, mais il y a encore des choses à trouver là-dessus. J'avais l'air de dire, mais mon grand-père a tout fait, pourquoi vous perdez votre temps? Alors nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est quels sont les mécanismes cellulaires et puis moléculaires. Donc, quels gènes, quelles substances sont impliquées dans ces processus? Ouais, on va voir exactement pourquoi on peut parler de longévité quand même avec l'hydre. Ouais, dans un instant, on va plonger au cœur de ces mécanismes. Et puis, les questions arrive pour vous, de la part des auditeurs, autant concernant les animaux que les végétaux d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. On y répond dans un instant. Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs. Et j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Dans l'enclos ouvert à tout vent, j'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié. Extrait de son dernier album, Dominique A, j'avais oublié que tu m'aimais autant. La tête au carré sur France Inter. Voilà mes invités, Brigitte Galliot, professeure et vice-rectrice de l'Université de Genève et spécialiste des processus de sénescence et de régénération, et Julien Perrault avec ce 250e numéro de la revue La Salamandre, déjà. Donc, oui. Encore longue vie, évidemment, à cette revue qui, évidemment, n'est disponible que sur abonnement. Hein. Oui, il faut aller sur Salamandre. Il faut aller sur salamandre.net pour vous abonner à La Salamandre, bien voilà, sûr. Si vous souhaitez découvrir les secrets de longévité. Alors, il y a des questions des auditeurs. Eric nous dit, où en sont les recherches sur l'étonnante longévité des rats-taupes nus, qui sont très moches? Oui, ils sont très moches, mais c'est un sujet assez extraordinaire. C'est des animaux particuliers, ils n'ont pratiquement pas de prédateurs. Ils vivent dans les galeries, hein, c'est ça? En Afrique australe. Et en fait, c'est un exemple fascinant de caste sociale chez les vertébrés. C'est quasiment le seul. Et en fait, vous avez un couple, à ce point-là, je dirais, c'est quasiment le modèle des fourmis, ou des abeilles. Donc, vous avez la reine reproductrice qui peut vivre jusqu'à 40, voire 50 ans. La reine des rats? La reine des rats-taupes, qui a une longévité exceptionnelle pour un petit rongeur. Vous voyez, un rat, une souris, ça vit un an, deux ans. Donc, elle ne fait rien, se fait entretenir. Elle ne fait rien que de se reproduire avec son mâle dominant, produire la descendance, et manifestement, elle a développé des mécanismes aussi de réparation de son ADN que n'ont pas les autres individus, ou en tout cas chez lesquels ce n'est pas exprimé de manière aussi développée. Et ça leur permet d'atteindre une grande longévité, exactement comme chez les fourmis. Vous avez par exemple la petite fourmi des jardins que vous évoquiez au début de l'émission, qui est une petite bête toute banale, et où les reines peuvent vivre jusqu'à 50 fois plus longtemps que les ouvrières, parce qu'évidemment elles sont nourries, elles sont soignées, elles sont bichonnées par toutes leurs suivantes. Oui. Brigitte Galliot, la clé là, c'est l'économie d'énergie, justement, la dépense d'énergie moindre qui assure cette longévité ou pas? Alors, je ne sais pas si... les raisons métaboliques jouent certainement un rôle très très important. Et la façon dont les cellules recyclent ce qu'elles sont capables de produire afin justement de traverser des périodes de jeûne, par exemple, c'est très important. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez l'hydre, que cette résistance aux conditions environnementales difficiles, c'est un facteur essentiel. Ouais. Paul nous dit, est-ce que la reproduction justement est en rapport avec la longévité? Plus une espèce vit longtemps, moins elle se reproduit en nombre de jeunes, ou moins une espèce vit longtemps, plus elle se fera justement de portée? Alors vous avez différentes stratégies de vie qui peuvent dépendre aussi de la dangerosité du milieu. Si vous avez un milieu avec beaucoup de prédateurs, beaucoup de compétition, ça peut être peut-être intéressant de se reproduire vite et du coup de vivre peut-être peu de temps, ou au contraire de vivre longtemps et de produire peu de descendance. Donc c'est corrélé. Après, il y a aussi beaucoup d'exemples dans la nature, effectivement, où à partir du moment où un individu s'est consacré à la reproduction, il a dépensé beaucoup d'énergie, et c'est souvent un peu le début du déclin et de la sénescence. Ouais. Alors la longévité, justement, c'est une autre question de Jean-Paul. Pour les arbres, est-ce qu'elle est tributaire de l'environnement, de la qualité du sol? Parce que vous parlez aussi il y a deux très emblématiques. Absolument. Alors en fait, ce qu'on croit être les arbres les plus anciens, comme les chênes ou les oliviers, c'est pas si vrai. Les arbres les plus vieux en Europe, c'est tous des conifères. C'est des arbres qui ont beaucoup de résine dans leur bois, qui est très résistante, qui leur permet de résister longtemps aux parasites. Et effectivement, le milieu joue un rôle. Plus ces arbres poussent lentement, plus leurs cernes annuelles vont être étroites, plus leur bois va être dur et plus ils vivront longtemps. Et en fait, les champions de la longévité en Europe, c'est des mélèzes dans les Alpes, des genévriers aussi dans la zone méditerranéenne, qui peuvent atteindre exceptionnellement 1000, 1500, voire 2000 ans. Et en fait, ils ont un bois très très dur parce qu'ils poussent sur des sols très inhospitaliers. Ouais. Et en Amérique du Nord, on a le fameux exemple de ces pins Levigata qui vivent en Californie, dans les déserts de Californie, et qui atteignent, le plus ancien atteindrait 4600 ans. Ouais. Mais vous avez encore plus extraordinaire, vous avez des arbres qui vivent en fait en colonie clonale. C'est Pando, hein, c'est ça. Voilà, c'est Pando, donc c'est en fait. C'est dans l'Oregon, je crois. C'est près de Bryce Canyon, oui. Et c'est un seul individu, en fait, une seule lignée clonale. Ouais. Vous avez des dizaines de milliers d'arbres. Et on estime que sur 40 hectares, cette colonie est là 80 000 ans, ce qui en ferait probablement l'organisme vivant le plus vieux sur Terre. Ouais. Et les Ents alors, Julien Perrault ? Ben c'est ça, les Ents de Tolkien, c'est ces êtres mi-hommes, mi-arbres qui vivaient très lentement et qui vivaient très vieux, peut-être en terre du milieu. Mais c'est une fiction. C'est une fiction. Ils n'existent pas. Mais moi, je pense à eux quand je vais voir des très très vieux mélèzes dans les Alpes. J'aime bien, je me dis que ils sont pas loin. On va écouter ensemble justement un extrait du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, il va se passer des choses qui n'ont pas eu lieu depuis un âge. La chambre des Ents. Qu'est-ce que c'est ? C'est une assemblée. Une assemblée de quoi ? De frênes, de hêtres, de châtaigniers, de chênes. Ça dure depuis 10 heures. Ils ont bien dû décider quelque chose à présent. Non. Nous venons juste de finir de nous dire... Bonjour. Vous n'avez pas l'éternité. Ne soyez pas si hâtif. Vous devez comprendre, jeune hobbit. Nous ne disons jamais rien. À moins que cela ne vaille la peine de prendre beaucoup de temps pour le dire. Voilà les Ents, donc un extrait du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en 2002. Brigitte Gallio, parlez-nous encore de ces hydres que vous étudiez dans votre laboratoire, entre autres, et de leur stupéfiante faculté de régénération. Parce que qu'est-ce qui se passe exactement alors ? Ce sont des individus qui ne meurent jamais ? Alors, ne meurt jamais, c'est difficile à prouver. Hein. Par contre, si on suit le même animal pendant des années, on s'aperçoit qu'il régénère toujours à la même vitesse. Ceci dit, ça a été montré aussi pour la salamandre. Il y a des expériences, donc là, il faut avoir 30 ans devant soi, même plus. Des animaux qui ont été dont on a coupé la patte de façon régulière sur 20 années, quelque chose comme ça, qui sont allés à travers de 16 ou 20 cycles de régénération. Et ça se passe toujours à la même vitesse et toujours avec la même efficacité. Donc c'est vrai qu'il semble y avoir une espèce de parallèle entre la faculté de régénérer et un vieillissement relativement faible, ou une autre expression qu'on utilise dans le laboratoire qu'on aime bien, qui est une résistance au vieillissement. Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour résister au temps qui passe? Et ça, c'est quelque chose qui nous a intéressés. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps que sur la régénération. Et puis, j'ai un collègue américain qui est venu me contacter en me disant « Mais j'aimerais vraiment bien qu'on se mette ensemble pour travailler sur le vieillissement. » Je me suis dit « Oh là là, mais moi, j'y connais rien. » Et puis, il m'a sorti un article que, honteusement, je ne connaissais pas, d'un chercheur belge, Paul Brien, qui travaillait en Europe dans les années 40-50, qui avait suivi des colonies d'hydres. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était de voir si les hydres qui se reproduisent de façon asexuée, donc les hydres heureuses, sont bien nourries, restent à une température relativement stable, oublient tout ce qui est sexué et se reproduisent en bourgeonnant. Ouais. Hein, donc il y a une petite hydre qui pousse tous les 2-3 jours sur l'hydre mère. Et puis ça marche comme ça. Et puis plus elle mange, plus elle bourgeonne, moins elle mange. Et puis si on arrête de les nourrir, elles arrêtent de bourgeonner. Ouais. Donc c'est très bien régulé cette histoire. Mais si on arrête de les nourrir, elles meurent ou pas alors ? Non. C'est ça, il y a une espèce de somnolence. Si on arrête de nourrir des hydres, pendant des semaines, elles restent, voire 3 mois, elles vont devenir toutes fines. Toutes petites, mais elles, avec leurs tentacules, elles restent fit. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très étonnant. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on a découvert en travaillant sur ce vieillissement. C'est de s'apercevoir, parce que pour finir, on a trouvé une souche dont on peut induire le vieillissement. Ah, et comment c'est ça. Maintenant, on les rend... Voilà. Ouais. Donc on a des hydres qui vieillissent. Vous les rendez vieilles maintenant. On est, voilà. En trois mois, elles meurent. Donc vous avez deux souches. On a deux souches. Une qui vieillit et une qui vieillit pas. Et maintenant, on peut comparer. Et on s'aperçoit que la grosse, grosse différence, c'est que les hydres contiennent plein de cellules souches. Alors, ça, elles sont pleines de cellules souches. Alors, ça, c'est évidemment. Ça, c'est le secret. Hein. Ça, c'est le secret, oui. Alors que nous, des cellules souches, ce qu'on appelle les cellules souches adultes, bah, on a tendance à les perdre. Elles sont rares. Et les rares qu'on a, on a plutôt tendance à les perdre. Alors, on en a plein l'intestin. On en a plein notre sang, enfin, dans la moelle osseuse. Mais on a quand même tendance à les perdre. Et puis, même si on refait ce que le concombre de mer fait, c'est-à-dire que lui, quand il est menacé, il jette son intestin à sa proie. Hein, il a ah oui, c'est ça. Il sort à l'extérieur de son corps. Il vomit tout son intestin. Voilà. Il se retrouve sans intestin du tout et boum, quelques semaines, tout régénère. Ouais, nous, on a plein de cellules souches dans notre intestin et pourtant, si on nous retire 2 mètres d'intestin, ça ne va pas repousser. Mmh. On est capable de régénérer le tissu, mais pas l'organe. Et c'est ça qui est la grosse différence de l'hydre. C'est qu'elle est capable de régénérer toutes les parties qui manquent. On le retire, sa tête, une tête c'est quand même un peu compliqué, refaire des tentacules, refaire une bouche, refaire un dôme. Et ça repousse. Tout repousse, incroyable. Avec le système nerveux qui va avec. Mmh. Donc c'est ça qui est étonnant. C'est cette régénération qui est ce qu'on appelle tridimensionnelle, comme la patte de la salamandre. C'est plus que de réparer un bout de foie, un bout d'os ou un bout d'intestin. Ouais. Alors j'emploie un mot qui n'est probablement pas scientifique, mais est-ce qu'on peut parler d'immortalité dans le cas de l'hydre par exemple ou pas? Soupir de la scientifique. Oui, parce que c'est difficile. Emine, c'est difficile de prouver que vous allez être l'animal est immortel. Il y a un modèle mathématique qui a été publié il y a quelques années qui dit en moyenne, on va prévoir que, suivant nos calculs mathématiques, le modèle prévoit 1400 ans. Bon. Ouais. Peut-être oui, peut-être non. Ben c'est ça. C'est qu'à l'échelle humaine, on ne peut pas observer ça sur le long cours. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'animal résiste et ceux qui ne résistent pas, qu'est-ce qui est différent entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre dossier sur la longévité et les messages des auditeurs. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur. Préférons au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse, les jolies filles ont les dronesses, et le plaisir à la douleur. Nous voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à Tire-d'aile, dans chaque port, à cœur perdu, dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage, le sourire d'une enfant sale, la sieste dans le foie coupé, l'amour fou au milieu des blés. Et le vent frais sur le visage. Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde vous tend la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur, l'intelligence à la bêtise, à l'hypocrisie, la franchise. Aux gendarmes, les gens de cœur. Nous voyageons de fête en fête, on nous désigne de la main, on nous appelle les forains, en vérité on est poètes. Un jour sérieux, un jour rieur, notre vie joue en alternance, la tragédie de l'existence et la comédie du bonheur. Amis à la vie, à la mort, prince sans peur et sans reproche, chevalier sans un sou en poche. Par contre, notre cœur est d'or. Nous voyageons de ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. De ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin, on nous appelle les forains, la route est notre domicile. La tête au carré. La Turinapsis hydraecula a été décrite pour la première fois il y a près de 80 ans par Augustus et Paula Stern, deux biologistes spécialistes des biotopes du Miocène. Ils furent les premiers à remarquer sa faculté infinie de régénération. Les méduses observées par Stern étaient capables de bloquer leur processus de vieillissement. Ça me rappelle le secondaire. Mais aussi toujours le même film. Tu sais que j'ai passé presque 100 ans dans ce commissariat. Je me souviens d'une nuit, il y a longtemps, j'avais passé la soirée à interroger un dealer. Cette nuit-là, j'avais pensé à arrêter. Utiliser le temps qui me reste pour profiter du soleil, de ma famille, de mon fils. Une semaine plus tard, je faisais partie des pionniers, prioritaires pour les premières régénérations. Ah, ça a été miraculeux. J'ai commencé à me sentir mieux, plus fort, plus jeune. Et le monde s'est élargi à nouveau. Il est redevenu immense. Voilà une série qui était diffusée l'année dernière sur Arte Ad Vitam autour de la régénération grâce à des cellules souches de méduses. Brigitte Galliot, ça pourrait nous donner des idées, ça. Quand est-ce que vous nous proposez des cellules souches d'hydre? Oui, je vais bientôt faire fortune avec des cellules. Je vous le souhaite. Non, mais sérieusement, on en est où alors? Parce qu'évidemment, étudier le modèle animal, c'est toujours intéressant pour se dire qu'il y a des perspectives aussi pour l'humain. Est-ce que c'est le cas avec les travaux sur l'hydre ou pas? Ce qu'on a appris, c'est que, en fait, la grosse différence entre les animaux qui vieillissent et ceux qui ne les vieillissent pas, c'est leur capacité à induire de l'autophagie. Alors, l'autophagie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que nos cellules sont capables de digérer une partie de ce qu'elles ont à l'intérieur du cytoplasme. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est que ça génère, quand on n'est pas nourri, des nutriments. En fait, elles digèrent leur propre contenu pour se produire les lipides, les glucides, les acides nucléiques dont elles ont besoin et continuer à tourner. Puis le deuxième énorme avantage, c'est que ce processus nettoie nos cellules. Et nettoie nos cellules de tous ces agrégats qui risquent de s'accumuler, qui peuvent être des agrégats protéiques, lipidiques, etc. Et qui sont la principale cause des maladies des cellules qui ne se divisent pas, typiquement des neurones, qui accumulent ces agrégats et qui donnent des maladies neurodégénératives. Donc l'autophagie est vraiment une façon très efficace de garder nos cellules en forme. Donc le take-home message, je dirais, c'est que c'est indispensable de vivre de façon saine en mangeant de façon régulière, évidemment, mais certainement pas toutes les deux heures, de façon à ce que nos cellules passent chaque jour par ces périodes de nettoyage, de recyclage, et c'est vraiment un des gages de santé. Et ça, ça rejoint complètement ce qui se passe sur les modèles animaux et sur les études qui sont faites sur l'humain, à tel point que une des protéines qui s'accumulent dans ces hydres qui vieillissent et la même protéine qui s'accumule chez les patients atteints d'Alzheimer. Donc il y a des convergences vraiment très intéressantes qui montrent que des processus fondamentaux de maintenance de la fitness, de la forme de nos cellules, très conservés au cours de l'évolution. Mais alors, est-ce que l'hydre développe certaines maladies ou pas du tout, justement? En dehors de maladies infectieuses, bien qu'elle ait un système immunitaire assez efficace, mais les hydres sont en même temps fragiles. Si on met trop de sel dans le milieu, elles vont se dissocier. Si elles sont infectées avec certains protozoaires, avec des levures, etc., elles vont pas se sentir bien. Donc elles sont pas, c'est pas des super animaux. Il y a immortalité ou résistance au vieillissement et en même temps fragilité. Mais son mécanisme peut nous permettre de comprendre notre mécanisme dans le vieillissement, justement, en tant qu'humain ou pas? Je pense que cette arme très efficace d'induire l'autophagie, c'est quelque chose qu'on peut implémenter, en tout cas à titre préventif, chez l'humain. Oui, ça c'est clair. Ça c'est absolument clair. Bon, on connaît la nocivité de l'obésité, les impacts sur l'émergence de pathologies, ça c'est connu. Mais le fait que on puisse activer chaque jour ces processus dans l'ensemble des cellules, et en particulier dans les cellules qui se divisent pas. Les cellules qui se divisent, en quelque sorte, elles se nettoient, elles se génèrent, elles se nettoient. Mais les cellules qui se divisent pas, elles ont pas ce processus pour se nettoyer. Donc ça, c'est une... Et nous, chez les hydres qui résistent au vieillissement, si on va toucher un ou deux gènes qui sont impliqués dans ce processus d'autophagie, donc on va bloquer l'autophagie, les hydres sont plus en forme. Donc on arrive à le démontrer, soit sur des sites naturels qui vieillissent, soit sur des sites qui ne vieillissent pas, pour lesquels on peut induire le vieillissement. Oui, puisque vous avez deux souches, hein, on le disait justement. Enfin, on a plus que deux souches, comparer. Voilà. Parlez-nous de la méduse, Julien Perrault, s'il vous plaît, cette méduse que vous évoquez dans la salamandre, évidemment. Oui, alors c'est une jolie histoire, c'est une petite méduse méditerranéenne, Turritopsis, c'est une découverte qui est le fruit du hasard, comme souvent les grandes découvertes scientifiques. Départ en week-end, un étudiant dans un laboratoire qui oublie une méduse sur une paillasse d'un laboratoire. Et puis le lendemain matin, quand il revient, on pourrait s'attendre à ce que cette méduse soit morte. Oui. Elle n'est pas morte, et non seulement elle n'est pas morte, mais elle a rajeuni. C'est-à-dire qu'à la place de la grosse méduse adulte, il y a une espèce de petit polype asexué. C'est donc les bébés méduses qui ressemblent à ça, comme une petite anémone de mer. Un peu comme si une grenouille s'était retransformée en têtard, si vous voulez. Ce serait un peu pareil. Et ça, c'est une capacité extraordinaire qu'a cette méduse, qui a d'ailleurs inspiré un écrivain japonais. On retrouve maintenant cette méduse dans des mangas, notamment. Et c'est un être qui a cette prodigieuse capacité de revenir en arrière pour recommencer son cycle potentiellement indéfiniment. Il y a d'autres animaux, évidemment, qui sont évoqués, dont un très connu des réseaux sociaux, et des amateurs d'oursons très particuliers. Le tardigrade. Alors, les tardigrades, c'est vrai qu'ils ont... Quel drôle de tête, là aussi. Hein. Alors, quel drôle de tête, et puis surtout, quel incroyable... Tout à l'heure, il a été dit que les hydres sont potentiellement immortels, mais très, très sensibles aux variations de leur environnement, aux pollutions, etc. Le tardigrade, c'est tout le contraire. C'est un être qui est véritablement increvable aux radiations... Aux températures extrêmes. Aux rayons gamma, aux températures extrêmes, à la congélation. Il y en a qui ont été congelés plusieurs décennies. Entre moins de 200 degrés et 100 degrés, il arrive toujours à vivre. Ouais. Donc ça, c'est un animal vraiment, c'est un dur à cuire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Et alors, il a vraiment une drôle de tête. Vous pouvez nous le décrire un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le tardigrade, parce qu'on le compare à un ourson. On pourrait prendre un morceau de gingembre, c'est à peu près cette couleur-là, et puis avec des espèces d'aspérités comme ça. C'est surtout une bouche qui est très étonnante. Un petit nounours à 8 pattes, translucide, 1 mm de long. Ouais. Patrice demande si toutes les parties d'un être vivant viennent à être remplacées, n'est-il pas exagéré de le considérer comme étant le même être, justement ? Brigitte Galliot. Ben, si elles sont remplacées avec ses propres cellules, on peut considérer que c'est le même être, il me semble. Si on remplace toutes ces différentes parties, mettons qu'elles soient greffées de donneurs, dans ce cas-là, ce sera peut-être un peu différent, mais... Ouais. J'ai une vue peut-être un peu trop génétique des choses, mais je pense que quand même le patrimoine génétique qu'on a dans chacune de nos cellules compte beaucoup. Les cellules souches humaines, c'est un grand thème de recherche aussi, toujours ou pas ? Oui, il faut bien comprendre qu'il y a des cellules souches adultes, donc on a dans certains de nos organes, on a les cellules souches embryonnaires, et puis depuis une dizaine d'années, on a ces cellules souches induites, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre une cellule qui est déjà différenciée, qui est déjà... typé, et puis en exprimant un certain nombre de facteurs, comme dans le Turritopsis, de la rendre jeune, de la rendre cellule souche. Et donc ça offre beaucoup d'espoir parce qu'on peut prendre les cellules du propre patient. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. La revue La Salamandre, c'est donc sur abonnement uniquement, salamandre.net, Julien Perrault, et ce 250e anniversaire. Très bon anniversaire à toute l'équipe de cette rédaction, la revue des Curieux de Nature qui consacre son dossier à la longévité. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Tête au Carré. Merci. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. L'annonce d'un test destiné à prédire la maladie d'Alzheimer semble avoir stimulé votre esprit critique cette semaine. Eh oui Mathieu, vous avez aimé les stats à la con, vous allez adorer les tests à la con. Et alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce sont des tests censés prédire la survenue d'une maladie, mais qui en fait ne prédisent rien. Alors ça existe donc. Bon, en fait, c'est même assez courant. Beaucoup de gens pensent que les tests médicaux sont fiables à 100%, qu'ils répondent sans ambiguïté à la question posée, c'est-à-dire, est-ce que j'ai ou est-ce que je vais avoir telle ou telle maladie ? Or, en pratique, un test donne une probabilité, un pourcentage de risque de développer la maladie. Alors bien sûr, pour le test HIV par exemple, le résultat est fiable à 99,9%. C'est un test quasiment parfait. Mais à l'inverse, vous pouvez avoir un électrocardiogramme normal et faire une crise cardiaque en sortant de chez le cardiologue, ou au contraire, avoir un électrocardiogramme inquiétant avec un cœur en parfaite santé. Mais comment savoir alors ? Bah, en fait, pour calculer le risque associé à un test positif, il faut connaître le risque initial, celui que vous avez, avant de faire le test. Par exemple, un test de grossesse positif n'a pas la même signification chez une femme de 28 ans et une de 58 ans, chez qui un test de grossesse positif aurait infiniment, bien sûr, plus de chances d'être erroné que chez une femme plus jeune. Et donc, un test à la con, c'est soit un test peu discriminant, qui est trop souvent négatif chez les malades et trop souvent positif chez les bien portants, ou alors un test pratiqué chez des gens dont le risque est si faible au départ qu'un résultat positif est presque toujours erroné, comme notre test de grossesse chez une femme ménopausée. Alors, ce test d'Alzheimer dont on a parlé fin janvier... Ah, eh bien écoutez, là on est dans un cas d'école de test à la con, car il cumule ces deux défauts. Bravo. Tout d'abord, ce test sanguin ne concerne qu'une forme héréditaire et très rare de la maladie d'Alzheimer. Donc, son résultat ne sera interprétable que chez les sujets à haut risque appartenant à une famille touchée par cette forme de maladie. Ensuite, la capacité de ce test à identifier les futurs malades est tellement médiocre qu'elle n'a même pas été chiffrée. On ne connaît pas le pourcentage de risque de développer la maladie en cas de test positif. Cette étude montre juste un lien statistique entre la progression du taux sanguin d'une substance d'origine cérébrale et l'apparition future d'une maladie d'Alzheimer. Mais le test serait plus fiable quand les premiers symptômes de la maladie apparaissent. Sérieusement ? Oui, oui, c'est pas une blague. Le test prédit mieux la maladie d'Alzheimer quand elle a débuté. C'est génial quand même. Ouais, hein, très pratique. Enfin, ouais, ce test appartient à la catégorie des super tests à la con. Ceux qui diagnostiquent une maladie incurable et qui permettent donc de se pourrir la vie inutilement bien avant d'être malade sans en retirer le moindre bénéfice. En fait, cette publication aurait dû rester confinée dans le domaine de la recherche et non être médiatisée comme un futur test utilisable en pratique clinique. Je ne sais pas à qui profite le crime, mais c'est vraiment pathétique. Voilà, le premier test à la con et certainement le premier d'une longue série. Comptez sur moi. Dominique Dupagne, merci beaucoup. Santé polémique à réécouter sur le site de l'émission franceinter.fr. Merci à Anne-Laure Cochet qui était à la technique aujourd'hui et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à La Tête au Carré si vous souhaitez réécouter tranquillement nos dossiers en podcast. C'est bien sûr pour vous abonner gratuitement sur franceinter.fr.